trop de reverb et de délai reverse. Like a metal zone. Yeah. Yeah, like, ugh. Do you Could be Grenola? Better. Grenola? Huh? Do you have the Grenola? The? Grenola. Oh, yeah, I forgot about it. Sorry. I think it's here. You can scavenge through it. Go ahead. Wow. Ça fait du bien quand même. Je suis étonné à quel point ça marche bien pour la guitare. bah c'est trop cool hein, t'as vu. Oh. I like this one. Kinda like Yeah. ami Maxence, dans le groupe dans lequel il était, il tournait aussi le rôle. Vas-y, quelqu'un veut faire ma guitare. C'est bon, jouer. Thank you. pâtissier, putain, j'aime trop, du coup. J'aime trop tes chops. T'as trop des chops, de ouf. Ça fait plus longtemps que je fais du beatbox que j'ai... I hate all of you right now.